мати погода, доскріня боюся, до мене не понюся.

Qui se rhabille, petite chose au fond de son âme qui nous comprend ou qui se pavane. Arrête-toi et viens avec moi prendre un verre. On va parler, tu vas me dire et me défaire les nouveaux yeux que tu as semés, mauvaises bien plantées. Allez, rentre-t-on dans le labyrinthe. Viens, j'ai besoin d'aide. Je te connais, je sais, tu viens bien de ma famille. Je le vois dans tes yeux demain quand il brille. C'est l'animal de neuf. L'amour serait même dans les yeux. Non. Quête au de petit coup, quête que d'aime. Quoi, il gomme que d'aime. Gomme la pilota. Tigre du coup, tac ou tout que d'oula. Gomme de gomme de l'aime. Digo d'homme de l'homme qui d'aime. Tu gomme de d'homme en adam. Tigre du bat, tu patate à taille. Et tout coup de compte que d'homme. Thank you.

Mm-hmm.